je veux plus jouer à cache-cache. Pour ça, je veux tourner la page. Pas de jolis mots, je suis de mauvaise humeur. Comment s'aimer? Seras-tu mon bonheur? Dans mes rêves, je t'ai aperçu. Mais tu étais le fruit défendu. Baby, let's go. Mais me fais pas bobo. Joue pas si t'as papier. Je pense qu'il n'est pas prêt. J'aurai pas les mots si je te fais bobo. Joue pas où t'as papier. Si t'as le cœur en papier, je crois que c'est mort. Il est pas d'accord. Corps à corps, il est pas d'accord. Je crois que c'est mort. Il est pas d'accord. Corps à corps, il est pas d'accord. Si je t'avais promis, ben je me serais mise dans la merde. J'avoue, j'aime jouer, mais j'aime pas les paroles en l'air. Si je prends mes distances, c'est qu'il fallait. C'est qu'une histoire de destin, qu'est-ce que tu croyais? Je pense qu'il n'est pas prêt. J'aurai pas les mots si je te fais bobo. Joue pas où t'as papier. Si t'as le cœur en papier, je crois que c'est mort. Il est pas d'accord. Corps à corps, il est pas d'accord. Je crois que c'est mort. Il est pas d'accord. Corps à corps, il est pas d'accord. Oui, bébé, je crois que c'est mort. Pas d'accord. Non, bébé, pas d'accord. C'est mort. Oui, bébé, je crois que c'est mort. Pas d'accord. Faut trouver la baby, let's go. Ne me fais pas bobo, joue pas si t'as papier. Je pense qu'il n'est pas prêt. J'aurai pas les mots si je te fais bobo. Joue pas où t'as papier, si t'as le cœur en papier. Baby, let's go. Ne me fais pas bobo, joue pas si t'as papier. Je pense qu'il n'est pas prêt. J'aurai pas les mots si je te fais bobo. Joue pas où t'as papier, si t'as le cœur en papier. Je crois que c'est mort. Joue pas où t'as papier, si t'as le cœur en papier.